des torrents à franchir, des montagnes à escalader, la liberté pour m'affranchir, des océans à traverser. J'ai des idées qui s'entêtent, toute une vie de révolté. J'ai des orages et des tempêtes, j'ai les étoiles pour me guider. J'ai des bons amis à laisser, d'autres amis à rencontrer. J'ai des histoires à raconter et des enfants à écouter. J'ai des milliards de douces nuits, des milliards de belles journées. J'ai le soleil et j'ai la pluie, les quatre saisons. Shut up!